New thinking, new possibilities. Il est 20h. Franck Ruel, bonsoir. La direction de Caterpillar aux abonnés absents. Les députés fédéraux espéraient pouvoir entendre demain les syndicats et la direction. Mais celle-ci a fait savoir cet après-midi qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer publiquement vu le lancement de la procédure Renault. Les députés souhaitaient ensuite débattre du dossier avec le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'économie Chris Peeters. Audition reportée à jeudi. On l'imagine, Caterpillar sera au centre de plusieurs rendez-vous politiques dans les prochains jours. En attendant, les syndicats ont conseillé ce matin aux travailleurs de pointer chaque jour sur le site de Gosselies afin d'éviter tout licenciement anticipé. C'est une victoire pour Alain Huber. L'auditeur du Conseil d'État demande la suspension de l'arrêté royal qui évince Alain Huber de la gestion de la station scolaire Princesse Elisabeth. L'État avait invoqué un conflit d'intérêts dans le chef d'Alain Huber, à la fois président de la Fondation Polaire qui gère la station et du secrétariat polaire qui la finance. L'arrêt du Conseil d'État est attendu dans les jours qui viennent, mais le plus souvent, il suit l'avis de l'auditeur. Coup de tonnerre cet après-midi en France au procès de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment. L'ancien ministre du budget de François Hollande est accusé d'avoir dissimulé des avoirs sur un compte bancaire ouvert en Suisse en 1992. Selon Jérôme Cahuzac, ce compte était destiné au financement d'activités politiques au profit de l'ex-premier ministre socialiste Michel Rocard, par ailleurs décédé le 2 juillet dernier. La vie politique coûte cher, a déclaré Jérôme Cahuzac, pour qui, à l'époque, le financement occulte était la règle. Des dizaines de camions et de tracteurs et plusieurs centaines de manifestants ont bloqué plusieurs routes et autoroutes autour de Calais pour obtenir le démantèlement de la jungle de Calais, ce camp qui accueille des milliers de migrants. L'autoroute A16 notamment restera bloquée jusqu'à ce soir, voire toute la nuit. Les manifestants sont excédés par les incidents à répétition et l'impact sur l'activité économique. Les camions notamment sont régulièrement assaillis par des migrants qui cherchent à se cacher dans la cargaison pour passer clandestinement en Grande-Bretagne. Une partie du camp a été démantelée en mars dernier, mais les migrants continuent d'affluer massivement. Selon les autorités, ils sont aujourd'hui environ 7000, mais des associations évoquent plus de 9000 réfugiés, dont 900 mineurs isolés. Fin de ce journal, très belle soirée. À 21h sur Viva Bruxelles, BXXL, avec Stéphane Piedboeuf, Marion Jomotte et Julien Warnock. Bonsoir Bruxelles, bonsoir Marion, bonsoir Julien. Bonsoir Bruxelles. Bonsoir à tous. Vous avez passé un bon week-end? Ah oui, super bon. Excellent. Bon, et en parlant de bon, il va faire beau hein, à partir de demain, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera l'été. Et d'ailleurs, on va vous emmener à la guinguette du parc de forêt. Nous y sommes allés pour vous, à votre rencontre, et c'était plutôt sympa. Et puis en invité aussi, on s'intéresse aussi aux autres radios bruxelloises, des radios communautaires. La radio Arabelle sera représentée par Darez, un animateur phare de Arabelle. Ce sera tout à l'heure. Et puis Julien, nous sommes allés bien manger avec l'équipe Delta. C'était délicieux. Donc. Ah oui, c'était délicieux et on vous en parlera bien sûr, histoire de vous donner des bonnes adresses et puis tous les rendez-vous habituels hein, comme Nick et Flup te raconte Bruxelles avec nos deux compteurs aussi, Dominique Brinhart et son acolyte. Et puis dans un instant, Marion, vous allez nous emmener en croisière. Oui, on va voguer sur le canal de Bruxelles. En love boat? Ah peut-être, peut-être. D'accord, à tout de suite. Bienvenue dans BXXL, nous sommes là jusqu'à 21h. De 20 à 21h sur Viva Bruxelles, c'est BXXL. L'été n'est toujours pas terminé. Hein. Kungs, encore là, c'était This Girl sur Vivacité. BXXL. Et vendredi, Marion, vous avez pris le large pour nous. Vous avez testé la croisière apéro sur le canal de Bruxelles par Brussels by Water. Oui, c'est bien ça. Et j'ai été accueillie par quoi ? Par une petite coupe de champagne sous un beau soleil couchant. J'ai embarqué pour 2 heures de croisière. Voilà, au nom de Bruxelles by Water, je vous laisse bienvenue sur le Vivaldi pour notre célèbre croisière apéro. Une occasion de se rencontrer, de se réunir entre amis, en famille et de boire un verre dans un endroit assez sympathique, un peu aussi obsolète. C'est vrai que c'est une vision intéressante parce qu'on découvre un peu le Bruxelles industriel qu'on ne voit pas forcément quand on se promène en plein cœur de la ville. Voilà, donc que vous soyez sur le chemin aller, sur le chemin de retour, la vision est chaque fois différente. Que ce soit quand vous êtes à l'allée vers, que ce soit quand vous êtes avenue du port, on ne se doute pas des industries qui se trouvent, des bassins qui sont industriels. Et n'oublions pas que Bruxelles est le deuxième port de mer de Belgique après Liège. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, une chose improbable sur le canal de Bruxelles, on vient de voir quelqu'un qui faisait du ski nautique. Oui, vous avez bien entendu, du ski nautique sur le canal de Bruxelles. Et d'ailleurs, ah ben voilà, il vient de tomber dans l'eau. Le canal, ça n'est pas qu'une zone industrielle, c'est une zone de loisirs, c'est une zone de transport. Est-ce qu'on peut dire que le canal de Bruxelles est un peu méconnu, enfin, les Bruxellois ne connaissent pas vraiment le canal ni ses bordures. Les anciens Bruxellois connaissent le canal selon le canal de Willebroek avec ses anciennes industries. Donc toute cette vision est occupée petit à petit à changer et je crois que même les Bruxellois se rendent compte que ça bouge autour du canal. Vous êtes ici sur la croisière apéro, pourquoi ouais. Vous avez eu envie de venir ici ce soir? En fait, c'est une surprise de ma copine. Elle m'a invité de venir ici. Et vous en pensez quoi? Vous avez appris des choses sur Bruxelles ce soir? Bon, pas tellement en fait. Je profite plus avec la compagnie de ma copine que vraiment écouter ce qui s'est passé et tout ça. Mais bon, il y a des choses que j'ai appris, ouais. Mais bon, l'ambiance, c'est bon. Moi, de gens plus âgés, des enfants, bon, enfin, c'est pas comme les apéros à Bruxelles, au centre, quoi, mais... Voilà, c'est relax, c'est différent. Je voulais faire quelque chose de spontané, quelque chose de différent. En plus, il fait beau, il y a de l'ambiance. Le guide nous raconte des histoires sur Bruxelles. On apprend des choses, c'est vraiment sympa. Le guide vous raconte des histoires sur l'histoire de Bruxelles. C'est vraiment agréable, c'est vraiment fun. Eh ben, ça a l'air sympa. Il y en a deux qui sont restés collés, à mon avis, tout le trajet. Oui. Mais le copain et la copine nous ont bien profité de la vue, oui. Et avec la coupe de champagne, justement, il n'y a personne qui est tombé dans le canal? Non, personne n'est tombé. Non. Si, la personne qui faisait du jet ski, là, il est tombé dedans. Oui, mais il n'avait pas bu de champagne. Enfin, a priori, c'est pas vérifiable. Hein. Est-ce que ces bulles sont comprises dans le prix, alors? Eh ben oui, la coupette est comprise dans le prix. Hein, donc, c'est 10 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. Alors, par contre, il faut faire un peu attention. Le nom de la croisière peut porter à confusion. Vous l'avez entendu, il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas comme comme les apéros à Bruxelles, bah, c'est bien vrai. Le nom porte à confusion. On peut se dire croisière apéro, bah, voilà, ça va être la fête sur le bateau. Non, on reçoit une coupe, il y a un bar, c'est vrai, mais ça reste quand même une croisière assez calme où on peut écouter les commentaires du guide. Il n'y a pas vraiment la grosse musique et la grosse, grosse fête comme certains pourraient se l'imaginer. Voilà, c'est un peu comme les gondoles à Venise, sauf qu'on n'est pas à Venise et il n'y a pas de gondole, c'est la croisière. Est-ce qu'on peut encore faire cette croisière actuellement? Bah, pour cet été, il ne reste plus que deux dates, les mardis 6 septembre et 13 septembre, mais Bruxelles Bywater vous propose d'autres visites. Il y a les Sunday Cruise qui ont lieu tous les dimanches du mois de septembre. Alors, cette croisière-là dure un peu plus longtemps, c'est 3h30 et elle se fait en journée. Alors là, il n'y a pas d'apéro, mais c'est le même principe. Le guide fait aussi des chouettes commentaires sur la ville de Bruxelles et le débarque se fait toujours quai des Péniches. Et puis, n'oubliez pas de réserver surtout. Et est-ce qu'il y a un plus? Vous avez un coup de cœur? Bah alors, quand il fait beau, comme en ce moment, c'est super parce que la vue est vraiment très agréable. Et en plus, le canal avec le soleil qui se couche, c'est magnifique. Et puis surtout, c'est le guide, Alain. Ça, c'est vraiment le plus de la croisière. Il donne des super anecdotes. Il est vraiment passionnant et donc on ne se lasse pas de l'écouter. Voilà, et on en apprend un peu plus sur Bruxelles, sur cette croisière. Oui, c'est ça. On découvre un Bruxelles qu'on ne connaît pas en fait, au final. Hein. Julien, pour 10 euros, vous faites la croisière? Sans hésiter. C'est vrai? Avec votre dulciné, vous allez aussi rester. Comme les deux tours d'euros, la champagne. Oui, c'est ça, mais surtout une. Il y a le bar qui est ouvert. Oui, il faut vraiment boire petite goutte par petite goutte. Oui, si ce n'est que le bar est ouvert. Oui, le bar est ouvert, on l'a testé. Et c'est cher les prix dans le bar, c'est pas... Non, c'était tout à fait raisonnable. Ok, bon, très bien. Merci Marion. Dans un instant, on va un peu rigoler avec Nick et Flup te raconte Bruxelles une fois. On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet là pour tout le groupe d'échappée. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Peugeot Olivier. Oh yeah! Portes ouvertes chez Peugeot Olivier. C'est samedi 10 et dimanche 11 septembre. Avec l'offre 50-50, 50% de remise sur toutes les options. Et de super conditions sur toute la gamme. Venez aussi découvrir toutes nos nouveautés. Peugeot Olivier à Waterloo et maintenant aussi à Tubize. I don't want a lover, I just need Alors là, je vais un peu me la péter. Hein. Je peux juste un oui. peu. Ah, allez-y. Ah, oui. J'ai une photo de moi avec Charline Suterie. Ouh. Ah. Ah, là maintenant, on va faire la montrer. La chanteuse du groupe Texas. Bah oui, je vous l'envoie. Elle est sur Facebook. Hein. Et on était tous fans d'elle quand même dans les années 90. C'est vrai. elle était top. Elle est toujours top. Hein. Mais ça nous a fait plaisir ce soir d'écouter Texas avec I Don't Want a Lover. Jusqu'à 21h sur Viva Bruxelles, BXXL. C'est le moment de retrouver Nick et Flup sur Vivacité dans BXXL. Si vous trouvez qu'on paye trop d'impôts, eh bien ça risque de vous intéresser. Restez à l'écoute parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on paye trop d'impôts. Ils nous emmènent sur les traces de François à Naissance. Oui, ce n'est pas qu'une station de métro. Tu sais, Flup, Bruxelles, ça est quand même la seule ville au monde qui a fait une statue pour un pays qui n'a pas voulu payer ses impôts. Normal, hein, le Bruxellois, c'est un brave, mais s'il y a une chose qui le met hors de son soi-même, c'est bien toutes ces rottes de taxes. Taxes communales, taxes régionales, taxes pour circuler, taxes pour stationner, écotaxes, surtaxes, équistaxes. Trop histoire, hein? Ah, c'est justement ce qu'a dit François Nessens, hein, à l'époque qu'on était occupé avec les Autrichiens. En Essence, c'était un fabricant de cuir d'Espagne, et du coup, hein, les impôts, ils s'étaient aussi assis dessus. Et comme il était le doyen des corps de métier de Bruxelles, eh bien, tout le monde a dit à Wolfurtin, si lui, il veut plus payer, moi, je paye plus non. Moi, je paye non plus pas. Les Autrichiens, ils savaient pas rire avec ça, hein? En Essence, non plus. Parce que du coup, hein, ces Smirlap, hein, ont décidé de lui couper la tête sur la grande place. C'est comme ça qu'il est devenu le symbole de la résistance face à l'injustice fiscale, hein? Mais ce n'est que bien plus tard, hein, qu'on lui a fait une statue. Enfin, une posture, hein, comme on dit chez nous. Oui, oui, c'est aussi encore toute une histoire. Mais le problème, c'est qu'à Naissance, il n'avait pas du tout un physique de martyr. Hein? Oh, Kierme, non, hein, dit cet atteint, dit que Bazouf avec une perruque sur sa tête de Clash Cop. Et le sculpteur, un certain Thomas Vincent, il était bien embêté de ça. Hein? Il fallait absolument qu'il trouve quelqu'un avec une bonne tête de martyr. Il a cherché partout, hein, dans les Staminets, dans les Bollwinkle, les clubs de Pitchersback et même à l'armée du salut. Il en devenait complètement psychophrène. Jusqu'au jour où il s'est approché d'une charrette de caricule. Et juste là, en train de couper un céleri, le marchand lui a fait un beau sourire de martyr. Ce pays s'appelait Bernard Brackman et c'était un ancien brocanteur du vieux marché. Alors, entre deux céleris, il a posé pour la postérité. Et donc, cette statue représente en fait un marchand de caricule qui n'a rien à voir dans tout ce micmac. Même qu'à la fin, ce pauvre succulaire est devenu complètement joum-joum de ça, parce qu'il se prenait vraiment pour un Essence. Et cette posture, hein, on peut la voir à la place en Essence. Et ça, pour une fois, c'est logique. Et les pigeons, quand ils sont dessus, ils se disent « Ah well, c'est quand même tough de pouvoir faire ses crottes sur un martyr ». Allez, un dernier conseil pour finir, hein. Si tu vis à Bruxelles et que toi aussi tu n'as pas la chance d'avoir une bonne tête de martyr, hein, paye tes impôts, vieux. À bon entendeur, salut. And the cost. And the winds are nighty. Et que vous soyez un Dick Bazouf ou pas, rendez-vous sur nickeflup.be pour voir la vidéo de cette séquence et plein d'autres. Nick et Flup sont sur Internet et sur Facebook aussi. Nick et Flup te raconte Bruxelles. Vous tapez ça dans recherche et c'est sûr, vous allez bien vous marrer en rejoignant le groupe. Dans mon magasin de Roycebrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval. Votre shopping au fil de la lane. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité. Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que le neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple, mais à mon goût. C'est un peu vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh, que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise ta lune, sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Ton visage, c'était les frérots de la Vega. Jusqu'à 21h sur Viva Bruxelles, BXXL. Et Marion, Julien, je vous emmène au parc de forêt. Dans le parc de forêt, il y a la guinguette du parc de forêt. Pour les GPS, c'est Avenue des Villas numéro 80. Et la guinguette du parc de forêt, c'est une initiative citoyenne. C'est Alice qui a créé ça. Elle trouvait le parc un peu triste en promenant son fils. Et particulièrement l'endroit où se situe la guinguette actuellement, parce qu'il était complètement abandonné. Il y avait même des squatteurs en fait, qui étaient là. Et l'idée est donc à germer. Et elle a présenté un dossier à la commune de forêt. Et grâce à une plateforme de crowdfunding comme Kiss Kiss Bang Bang, eh bien, cet endroit magique et zen a ouvert ses portes cet été. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une guinguette ? C'est un endroit où on peut mettre des lampions, il y a de la musique et des activités, non ? Et où on peut boire des verres, c'est pas ça ? Bon, écoutez Alice, à l'origine de ce projet, elle va vous expliquer ce que c'est une guinguette. C'est plus un lieu donc, de parc où guinguette, ça rassemble musique, danse, consommation, partage, intergénérationnel. Donc c'est, voilà, c'est plus des lieux de rencontre. Mais où la musique a une place assez importante et d'où la programmation et les autres activités qui se passent autour de la guinguette. Alors la journée, la programmation musicale est plutôt jazz, soul, funk. Et alors le jeudi soir, des musiciens viennent jouer en live. Les vendredis et samedis, ce sont des DJ qui sont invités. Donc rendez-vous entre 19 et 22 heures pour profiter de cet esprit vraiment bon enfant. On peut danser plutôt que minuit, me confiait Alice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, avant minuit, bien entendu. Bien sûr, voilà, c'est un peu ça le truc. Donc c'est un apéro dansant, familial, dînatoire qui vous attend. Et il y a bien entendu à boire et à manger, du bio, du local et du végétarien s'il vous plaît. Certains places sont même sans gluten et toujours fait avec amour. Tout est fait maison. En soft, on a une raisonnade. On sort complètement de la saison des citrons. On rentre en plein la saison des raisins. Donc voilà, on en a fait une raisonnade. C'est une limonade à base de jus de raisin, de sucre et d'eau gazeuse. Le thé glacé est fait maison aussi. Du mardi au vendredi, c'est le bol du jour. Donc on a un bol pour chaque jour. Donc aujourd'hui, c'est le risotto au fenouil, huile de truffe. Il y a petit et grand. On a une tartine du jour qui s'accompagne avec une salade. Il y a l'assiette de la guinguette, un burger végétarien qu'on fait maison aussi, accompagné d'une salade, de chips. Voilà. Bah, ça a l'air sympa cette raisonnade, vous nous en avez ramené. J'ai tout bu. Ah, merci. Voilà. Et est-ce que tous les plats sont végétariens? En fait, Alice, elle est cuisinière au départ et elle a un service traiteur qui se veut être végétarien. Mais pour l'anecdote, quelques véganes, c'est ce que c'est des véganes? Oui. Ouais, les personnes qui refusent tous les produits à base de viande. Bon. Eh bien, ils se sont un peu insurgés sur Facebook à cause de. Chante les sardines. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre lui et les aromates. Comme je me suis permise, étant beaucoup de choses, mais pas extrémiste, d'introduire les sardines, je ne suis plus du tout considérée pour beaucoup de véganes. C'est mon endroit et moi j'aime bien manger des sardines de temps en temps. Donc oui, on s'est végétarien, voilà, de toute façon. Voilà. Tout ça pour quelques sardines. C'est énorme quand même. Il y a des gars qui sont limite en train de faire une pétition sur Facebook à cause de deux sardines. Enfin bref, bon, j'ai eu personnellement un vrai coup de cœur pour cet endroit. Ça s'adresse donc à un public familial, des enfants qui jouent, on passe un bon moment en famille, agréable, c'est vraiment un succès. Et vous le savez, dans BXXL, c'est votre avis qui compte. Et donc, je vous propose de découvrir la guinguette du parc de forêt au travers de deux auditeurs du Viacité, présents mercredi après-midi quand je m'y suis rendu. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'habite à Forêt, dans le quartier entre la Windmans et Saint-Antoine. J'ai toujours habité à Forêt et quand j'étais jeune, il y avait déjà quelque chose qui était ici présent, et puis ça a disparu pendant des années, pendant des décennies. Et là, maintenant, je le redécouvre, cette nouvelle version, et ça a encore assez gai, assez chouette. Je viens surtout boire après ma promenade dans le parc. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'ils servent comme boisson, notamment la brasserie de la Seine, bon, pour ne pas la citer, c'est une bière locale bruxelloise et en plus assez bio. Donc ça nous éloigne un peu de toutes les bières commerciales qu'on a l'habitude de trouver n'importe où et la boire un peu n'importe comment. Ici, c'est un plaisir de déguster une bière bio, dans un cadre agréable, dans la nature, dans les parcs, avec une musique assez douce. Bonjour, moi je m'appelle Bénédicte et j'habite à Forêt et je viens toujours avec mon fils ici dans le parc et à cet endroit superbe. Il est très cool, on est bien, on est dans la nature avec les arbres et des bonnes choses, de la bonne musique et un super accueil. Je viens souvent dans le parc et donc j'ai découvert qu'ils étaient en train de le rénover, donc je suis revenue et j'ai vu que c'était un endroit superbe, ils étaient en train d'y travailler, donc voilà, je suis revenue. Quel est votre coup de cœur? Mais la boisson Noël, c'est très très bon. Et puis, lui, il adore aussi les jus de pommes. Bon, j'ai pas encore eu le temps de déguster toute la carte, donc voilà, je vais revenir. Bon, vous l'avez entendu, Valentin et Bénédicte habitent forcément à côté du parc, mais je n'ai pas obtenu un seul avis négatif de leur part. Ils invitent tous les Bruxellois à y passer, d'ailleurs, écoutez. Si vous venez le soir, alors là, c'est vraiment très animé, parce qu'il y a de la musique, mais pas n'importe quel type de musique, c'est surtout de la musique du monde. Et c'est un accueil assez chouette, assez chaud. Et le cadre est tellement agréable que ce serait dommage de passer à côté de ça. Surtout que ça se passe à Bruxelles, non pas à l'autre bout du monde. Il faut venir au parc de Forêt qui est vraiment magnifique et qui est heureusement pas toujours très connu par d'autres personnes. Mais donc, en fait, il y a ce côté naturel, il n'y a pas trop de monde. Tout le monde peut venir de tous les âges, les enfants, les grands. Enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde. C'est très aéré et les arbres sont vraiment magnifiques. C'est la guinguette du parc de Forêt. Donc, c'est avenue des Villas numéro 80. Là, vous êtes vraiment juste à côté de l'entrée qui va vous emmener à la guinguette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne vraiment envie d'y aller. Je suis déjà allée au parc de Forêt, mais j'avais jamais vu cette guinguette. Donc, Alors, je ne vais pas parler des prix, mais franchement, c'est super abordable. Alors, elle reste ouverte jusqu'à la fin du mois d'octobre et même... Plus si affinité à voir. Voilà. C'est à rediscuter, c'est voir comment est-ce qu'en hiver, un endroit comme ça peut continuer à exister. Mais c'est surtout comment ne pas laisser tomber l'endroit durant l'hiver pour qu'on puisse revenir l'été prochain. Comment faire pour continuer à ce que cet endroit d'été puisse vivre en hiver. Soupe, boissons chaudes, ouais. Sûrement des petits feux. Ben voilà. Voilà. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. Auvio. Libérez vos envies. My le vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Elle est belge, elle chante vraiment bien. Moi, je pensais pas qu'elle était belge hein, quand on entend ça. Oui, je savais pas non plus. Fanny Negwecha. Très bon. Alors, si elle nous écoute, vous êtes notre number one. De 20 à 21h sur Viva Bruxelles, c'est BXXL. Notre invité ce soir, eh bien, c'est quelqu'un qui nous vient de Arabelle. Vous connaissez Arabelle, Marion et Julien ? C'est une radio communautaire, vous l'avez dit un peu plus tôt. Oui, c'est ça. Arabelle FM, c'est la radio dédiée aux communautés arabes, berbères et musulmanes. Notre invité s'appelle Darès. Vous l'écoutez sur Arabelle 106.8. Bonjour Darès. Bonjour Stéphane, comment allez-vous ? Mais ça va très très bien, très heureux de vous accueillir. Alors Arabelle, c'est donc cette radio communautaire, une radio qui fonctionne pas mal puisque vous avez des dizaines de milliers de fans sur votre page Facebook. Comment vous décrivez cette radio ? Certes, au niveau du CSA, nous sommes une radio communautaire, mais on se veut assez généraliste. C'est-à-dire que comme nous sommes une radio bruxelloise basée ici à Bruxelles, nous émettons a priori pour les Bruxellois de tout genre. Et malgré cette étiquette communautaire, on se veut très ouvert et très généraliste. Voilà, donc il y a des émissions en français, en arabe. Exactement. 70% de nos programmes sont en français, 30% sont en langue arabe. D'accord. Quels sont les programmes phares, les programmes qui cartonnent chez vous ? Eh bien justement, donc il y a la matinale qui parle de Bruxelles, un petit peu comme vous. La matinale s'appelle Ça se passe à BX, présentée par Zaki, Yusra et Nikita. Donc il parle un petit peu de toute l'actualité bruxelloise en général, tous les matins. Il y a l'édition de la rédaction, donc nous avons une équipe de journalistes qui tous les jours traitent de sujets avec des invités renommés, hein, chaque jour de midi jusqu'à 13h30. Nous avons également le prime time, 16h 16h-18h, c'est l'émission que je présente avec Laure, tous les jours de 16h à 18h. L'émission s'appelle De tout pour faire un monde, donc c'est une émission qui est basée sur la diversité, le divertissement, l'actualité également et l'apprentissage. Et ensuite, nous avons différentes émissions jeunes tous les week-ends sur Arabelle. D'accord, et puis c'est pas mal parce que quand ils font un concours, hein, nous on offre des places pour les parcs d'attractions, eux ils offrent une Fiat 500. J'ai été voir leur page Facebook. Dernier concours, la Fiat 500. C'est arrivé une fois. Et vous avez les moyens, les gars? Mais on essaie, en tout cas on essaie de se démarquer comme une radio, on va dire jeune, parce que Arabelle a été repris depuis 2013. Donc il y avait l'ancêtre qui s'appelait Radio Almanar qui existe depuis une trentaine d'années. Et en trois ans, on essaie de se démarquer. On a aussi une belle campagne publicitaire dans les métros et bus bruxellois. Oui, j'ai vu. On voit votre tête dessus d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'est une exclu, ça redémarre demain. Donc demain, vous allez encore voir nos petites têtes sur les bus un petit peu partout. Ouais, et puis il y a des voitures aussi à Arabelle FM qui se baladent à Bruxelles. C'est vrai. Ah, vous l'avez croisé? Ah, bah je l'ai croisé à la station service. Ah, cool. Oui, et Chaussée de Louvain. Voilà. D'accord, mais c'était pas moi. Et vous êtes situé où en fait? Eh bien, je suis venu à pied en fait d'Arabelle. Donc je suis situé juste à côté de la RTBF, à la Chaussée de Louvain, à côté de Mézières. D'accord, super. Et puis la musique, c'est de la musique qui vient des quatre coins du monde. Est-ce que vous avez un style musical particulier? Est-ce qu'il y a un format? Justement, on est très très éclectique. Alors je sais que toutes les radios aiment se dire éclectique, mais pour le coup, on passe des musiques de toutes les langues, de toutes les origines, toutes les années. Donc on essaie vraiment d'être la radio de la diversité musicale et au niveau des programmes également. D'accord, donc des super programmes. Comment on dit, je sais pas moi, j'aime bien écouter Vivacité en arabe? Kenberry, Vivacité, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est facile. Okay, maintenant, je n'écouterai plus Arabelle FM, j'écouterai Vivacité tous les lundis soirs. Alors ça, je sais pas le dire. Ah, je sais pas le dire, comment ça? Bon, qu'est-ce qui se passe le lundi soir entre 20h et 21h chez vous? Entre 20h et 21h, bah, une émission aussi sympathique que la vôtre, à mon avis. Ouais, enfin, il se passe rien, quoi. Bah, a priori, non. Rien du tout. Bon, super. Et vous allez aussi tester des restos, etc. Vous allez à la rencontre des Bruxellois avec votre micro? Justement, en fait, ce qu'on voulait aussi, c'est être la radio de la proximité. Donc, on essaie d'être très, très, très proche des auditeurs. Nous avons deux libres antennes. Une entre 9h et 11h tous les matins qui est en langue arabe, qui est très, très fort écoutée tous les matins. Les gens interagissent à des sujets divers et variés. C'est des sujets assez basiques. Et le soir, par contre, entre 18h et 19h, une autre libre antenne en langue française où là, on laisse l'opportunité aux auditeurs de réagir par rapport au sujet que l'édition de la rédaction a traité à midi. Oui. Donnez un exemple. Hier, nous parlions de la rentrée scolaire et des étudiants qui n'ont toujours pas... Enfin, pas hier, vendredi, qui n'ont toujours pas d'école. Ouais. Et donc, les parents appelaient, des élèves également. Donc, c'est une sorte de débat ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, Arabelle, c'est la radio communautaire, hein, dans le texte du CSA, c'est tout comme ça, mais qui s'ouvre à tout le monde. Hein. Et une question peut-être un peu plus personnelle. Votre Bruxelles, à vous, le Bruxelles que vous aimez, Darès, c'est lequel? Mais c'est celui de tout pour faire un monde. J'ai justement imaginé ce titre d'émission en pensant à ce Bruxelles que j'aime. Donc c'est un Bruxelles hyper, hyper, hyper ouvert et super multiculturel. Dans mon équipe, justement, on est une quinzaine de chroniqueurs de tout horizon, de toute origine également. Donc c'est ce Bruxelles-là, c'est un Bruxelles, ben, quand on sort dans la rue, on voit Bruxelles, j'ai envie qu'on l'entende également dans mon émission et dans la radio Arabelle, simplement. Eh ben, écoutez Arabelle, enfin pas trop quand même, hein, mais c'est 106.8. Et puis dès que vous avez des sujets, vous voulez venir nous en parler aussi le lundi soir sur Vivacité, vous êtes toujours le bienvenu, bien sûr, et puis d'autres membres de votre équipe aussi. Avec plaisir, pareil pour vous. N'hésitez pas. Voilà, on est aussi là pour tous les Bruxellois, BXXL, et on continue dans un instant. Merci beaucoup Darès. Merci Stéphane, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, avec Cyril. La 2, en télé. Chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, naît un enfant. Prêt? Au cœur d'une maternité anglaise, soyez le témoin privilégié des grands commencements. Mais surtout, des petits moments de bonheur qui vous touchent à tout jamais. Une naissance à la minute, tous les mardis soirs, sur la 2. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. BXXL. Merci de nous écouter, 99.3, vivacité.be, BXXL, nous sommes là jusqu'à 21h. Je ne sais pas vous Marion, mais je commence vraiment à avoir faim. Bah oui, après une croisière et une guinguette, ça ouvre l'appétit. Eh ben, comme chaque semaine, nous avons été testés, et cette fois-ci Stéphane et moi, un restaurant proposé par le Guide Delta. Et cette fois-ci, si je vous dis guacamole, pastel del choclo, ceviche, ça vous fait penser à quoi, Marion ? Bah, guacamole, je connais, mais elle reste pas, donc je dirais quelque chose en Amérique latine. Oui, absolument. Donc on a été à La Rocana, qui est un restaurant familial spécialisé dans la cuisine chilienne et d'inspiration latine. Vous savez d'où vient le nom ? C'est une ville du Chili ? Je sais pas. Elle nous l'a expliqué, hein, mais je dois dire que je me souviens plus trop de l'histoire. Ça aurait pu. Donc en fait, ça vient, et le nom provient des premiers habitants du Chili, qui sont restés très longtemps indépendants, qui ont résisté pendant très longtemps également aux conquistadors. Mais en faisant une petite recherche sur Google, je me suis aperçu que c'était également le nom d'un poulet qui vivait là-bas et qui pond des œufs bleus. Un poulet qui pond des œufs bleus, qui pond des œufs bleus. Des œufs bleus. Il y a la poule aux œufs d'or et ici c'est la poule aux œufs bleus. Ok. Je l'ai signalé à la patronne qui a été un petit peu offusquée au départ avant de vraiment. Mais voilà, ah bah c'est bien. Vous l'avez vexé avant de vous faire servir. Je pense que moi je lui ai dit, c'est bien. En fait, ce que vous allez nous servir, parce qu'on a eu un pisco sour, et ce que vous nous servir, c'est un truc bleu alors avec des œufs de schtroumpf. Hein. Voilà, on l'a tourné à la rigolade, c'était sympa. Ouais, c'était très sympa. Ouais. Et donc le restaurant existe depuis 27 ans. La fille de la première propriétaire qui a fondé le restaurant le tient depuis 5 ans. Et donc je vous propose de l'écouter. Bienvenue aux auditeurs des universités. C'est bien chez Restaurant Araucana. J'espère vous voir très bientôt. Et les plats typiquement chiliens qu'on mange du nord au sud, du sud au nord, c'est la même chose. Pastel de choc. C'est un gratiné, donc la viande, d'acheter de bœuf, morceaux de poulet, raisin sec, olive. Et par-dessus, c'est maïs au basilic, c'est un gratiné. Sinon, je conseille directement la viande argentine. Parce qu'elle est juteuse, elle est tendre. Et vraiment, quand ils me demandent une sauce, je dis mais non, on ne va pas cacher les goûts. Ah oui, moi je suis convaincu. Alors franchement, j'hésite entre la viande argentine, parce que c'est vrai que manger une bonne viande au restaurant, c'est quand même un vrai plaisir de carnivore. Hein. J'ai envie aussi de goûter les spécialités. Donc si ça ne vous dérange pas, Julien, je vais prendre le plat typiquement chilien, le pastel de choclo. Et moi, je vais prendre alors le morceau de viande, comme ça je pourrais donner mon avis aussi. Alors, comment est-ce qu'on dit bon appétit en chilien ? Buen provecho. Buen provecho, Stéphane. Ouais, parce qu'on vient d'être servi et c'est vachement copieux quand même. Hein. Ça a l'air délicieux. Moi j'ai reçu un plat avec une pièce de viande assez importante, du chili con carne, un peu de riz et une petite portion de guacamole. Et toi Stéphane, que penses-tu de ton pastel del choco? Pastel des choclo, c'est comme ça qu'on dit. C'était délicieux, j'ai tout mangé. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté un petit peu sucré-salé dans le plat, mais pas trop en fait. Stéphane, nous sommes maintenant depuis un petit moment à l'intérieur, nous avons eu le temps de nous imprégner de l'atmosphère des lieux. Est-ce que vous pourriez nous la décrire? C'est rare quand on rentre dans un restaurant où on se sent vraiment chez ces personnes et on se sent accueilli comme étant des invités, des hôtes. On n'est pas des clients ici. Moi, ce qui me marque particulièrement, c'est les murs orange et la décoration en fait. Globalement, il y a vraiment une touche orange, donc c'est une couleur très chaleureuse, très vivante, très énergisante. Bonsoir à vous. Pourquoi venez-vous dans cet endroit ? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le sentiment de revivre un peu l'Amérique latine. Donc c'est un petit resto avec des petites tables. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une bonne connexion avec les membres du personnel. Moi, je recommande l'endroit pour les gens qui veulent un steak. J'ai découvert le restaurant grâce à leur ceviche, parce que c'est le meilleur ceviche de Bruxelles. Et puis c'est du steak argentin. Ici, en fait, compte les points forts, je trouve que donc déjà l'accueil est vraiment magnifique parce que c'est vraiment chaleureux, on est comme à la maison. Après, au niveau des plats, c'est vrai que je n'ai jamais été au Chili, mais si j'y vais, j'espère que ça sera comme ici, quoi, parce que franchement, c'est délicieux. Mais moi qui suis un grand amateur de viande, venez, quoi. Venez, s'il vous plaît, venez, quoi. Marion, j'espère que je vous ai donné faim. Ah bah oui, et puis buen provecho à tous ceux qui passent à table en ce moment. Hein. Ouais, et franchement, c'est sympa. Hein. C'est Roxana, en fait, la tenancière. Elle est un peu malade. Là. Enfin, pour l'instant, elle est tombée, en fait. Hein. Donc, elle a le brin dans le plat. Mais c'est sa sœur. C'est très familial dans la cuisine. Il y a deux cuisiniers qui y vont à fond. Et quand on est rentré, Julien, le resto était pratiquement vide puisqu'on était les premiers. Il faut dire qu'en se levant très tôt le matin, nous sommes... On mange tôt. Voilà, on mange tôt. Mais quand on est sorti, il était complètement complet. D'ailleurs, elle nous a demandé de changer de table à un moment donné. C'est marrant. Ce qui est par contre très chouette, c'est que tous les produits sont vraiment frais. Donc le guacamole est fait minute, il y a toute une série de choses justement qui sont faites sur place. On goûte vraiment et on le voit aussi au niveau de la qualité des produits qu'ils ne travaillent qu'avec des choses qui sont fraîches et qui sont faites à la minute. Ok, c'est quel ordre de prix du coup ? Donc c'est entre 13 euros et 25 euros. 13 euros c'est un plat chilien, 14 euros une spécialité. Et le plat le plus cher, donc 25 euros, c'est pour un pavé de bœuf argentin de 25 euros. Donc c'est vraiment raisonnable. raisonnable au niveau des prix. Ouais, c'est top, c'est vraiment bien. Et puis on est accueillis là comme des amis, quoi. On va vous donner l'adresse, bien sûr. Juste une dernière chose, Stéphane. Ouais. Il y a deux dates à retenir qu'il faut marquer absolument dans votre agenda. Donc Roxana, la patronne, comme vous le disiez, nous a donc conseillé de venir le 18 ou le 19 septembre, donc c'est la fête nationale chilienne, et elle va concocter un menu à 25€ avec entrée, plat, dessert, et donc je pense que ça vaut vraiment la peine. Ah bah c'est une bonne date à noter dans l'agenda. Oui, ça vaut la peine. Voilà, on n'est pas très loin du parvis de Saint-Gilles, à 1060 Bruxelles, donc c'est rue de l'Hôtel des Monnaies numéro 63, et donc le restaurant s'appelle Laura Kauna, je prononce bien. Laura Chana, je pense. Mais oui, ou alors vous résumez par petit poulet blanc. Non, la Raou Kana, parce qu'elle a dit on prononce toutes les lettres en chien, donc c'est la Raou Kana. Voilà, donc c'est un resto familial. Bon bah Marion, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. C'est noté. BXXL sur Viva Bruxelles. Et c'est le moment de retrouver Philippe Baudot et Dominique Brinard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans BXXL. Alors c'est vrai qu'à Bruxelles, on a, bah, comme dans chaque ville d'ailleurs, hein, des noms de rues un peu bizarres, dont celle du chien marin ou du cheval marin. Oui mon cher Stéphane, et on peut dire que l'imaginaire marin est bien présent à Bruxelles. D'ailleurs, du haut de l'église Sainte-Catherine, quelques mouettes perchées sont toujours à la recherche de senteurs océanes. Mais elles doivent se contenter de celles qui émanent des restaurants qui affichent leur carte des produits de mer. Car voilà bien longtemps que les chalands ne déchargent plus leur cargaison dans le centre de Bruxelles. Pour les nostalgiques, il en reste le souvenir, ne fût-ce qu'avec toutes les rues encore appelées quais. Mais il y a des choses plus étonnantes qui peuvent vraiment laisser perplexe celui qui se balade dans le quartier du Vismet. Je pense par exemple à une ruelle reliant le quai aux briques à la rue de Flandre, et donc appelée rue du chien marin. Ah, ça, pour les conteurs et raconteurs d'histoires, c'est un formidable appel à l'imaginaire. On pourrait vous conter l'histoire émouvante du fidèle compagnon d'un vieux capitaine au long cours somnolent dans le carré des officiers. Ou celle effrayante d'un mystérieux Inque palmé sortant de l'eau tel le monstre du Loch Ness. Oui, c'est vrai qu'à ce sujet, il y a eu des légendes évoquant un monstre fabuleux, mais c'est plus simple que cela. Un chroniqueur du XVIIe siècle raconte que lors de la construction du quai aux briques, des ouvriers auraient découvert le cadavre très bien conservé d'un grand animal marin, identifié comme étant un phoque. La présence de celui-ci à Bruxelles était vraiment surprenante. Et si surprenante que certains ont flairé la bonne affaire. On l'a empaillé et exposé dans la cave d'une ruelle proche et chacun pouvait le voir contre quelques piécettes. Et du coup, la ruelle a finalement été surnommée par les Bruxellois « Zeehondstraatken ». Car en flamand, phoque se dit Zeehond, mais en français, quelqu'un a traduit le mot littéralement en chien marin. À propos de bestiaires océaniques, tout au bout de ce même quai aux briques, il y a un magnifique bâtiment qui fut autrefois la résidence du capitaine du port de Bruxelles et qui porte le nom de l'auberge du cheval marin. C'était devant cette auberge qu'étaient amarrées les barques du service régulier vers Malines et Anvers. Les voyageurs venaient d'ailleurs acheter leur ticket au comptoir du cheval marin. Oui, mais alors, ce fameux cheval marin, s'agit-il du lourd canasson des pêcheurs de crevettes d'Ostenkirk ou celui, enfin, avec son ciré jaune et ses deux paniers en osier? Alors là, pas du tout. En fait, le traducteur fou a encore frappé. En flamand, hippocampe se dit Zeepaardje, ce qui cette fois est devenu en français cheval marin. Bon, et on sait qui était ce fameux traducteur fou? Non, en fait, c'est ça le vrai mystère. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les animaux marins du quartier font moins rêver. Ce ne sont plus que des crabes, des langoustes et des homards qui barbotent dans leur aquarium rempli d'eau de mer en attendant de se retrouver dans les assiettes de clients qui, eux, peut-être rêvent de grand large comme vous, Stéphane. Oui, effectivement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir le homard. Hein. Ah, tout à fait. Dire, oui, toi, tu vas décéder, hein, mais pas toi. Et tu vas encore vivre un petit peu. C'est vraiment cruel. Hein. On est vraiment des horribles personnages. Bon, ben, vous revenez la semaine prochaine, Philippe Baudot et Dominique Brinard. Oui, le temps d'aller manger quelques langoustes. Et on est là quoi. Ah bah, si c'est vous qui payez l'addition, je vous accompagne. XXL sur Vivacité. C'était Kylie Minogue avec I can get you out of my head. Bravo, BXXL. Et c'est déjà pratiquement terminé. Qu'est-ce que c'est passé vite encore une fois, hein. Mais ça passe toujours. Comme toujours. Incroyable. Bon, est-ce qu'on a encore le temps de donner des bons plans à tous ceux qui nous écoutent encore à cette heure-ci? Bah, on va le prendre en tout cas. Donc, ce week-end, un festival culinaire bruxellois, Eat Brussels, c'est Drink Bordeaux. C'est la 5e édition et ça se passe de jeudi à dimanche au Parc Royal. Alors, comme son nom l'indique, durant ces 4 jours, vous mangerez bruxellois. Donc, il y aura des pâtissiers locaux qui seront présents et plusieurs dizaines de grands chefs bruxellois se relayeront pour vous faire découvrir chaque jour un plat signature de leur restaurant. Donc ça c'est pas mal quand même. Et puis vous pourrez bien entendu goûter de nombreux vins de Bordeaux et participer à des ateliers ludiques où vous pourrez assouvir votre curiosité culinaire et œnologique. Bah, décidément on ne parle que de manger aujourd'hui, hein. Manger et mais boire, non. Manger, boire, hein. c'est l'essence même de la vie. Mais oui. Mais non, moi je ne vais pas parler ni de manger ni de boire. Oh, sortez alors. C'est la rentrée pour l'instant et 2 théâtres bruxellois font une petite journée porte ouverte pour annoncer la saison 2016-2017. Le Théâtre des Martyrs qui se situe à la place du même nom, donc Place des Martyrs numéro 22, qui ce vendredi-ci de 18h à minuit va organiser toute une série de petits spectacles, concerts, événements, et je pense qu'il devrait y avoir moyen de manger et de boire un peu quelque chose. Et alors, un autre théâtre, les Riches Clairs, donc, qui se situe à la rue du même nom toujours, dans le 24 rue des Riches Clairs à Bruxelles. Et donc là, donc ça se passe samedi de 13h à minuit, avec des spectacles, des projections, des concerts et des choses à déguster pour tout âge. J'adore, on lui a mis la pression avec... du coup, il y aura à manger, à boire. Vous pouvez quand même y aller. Vous pouvez quand même y aller. Il y a des entr'actes au théâtre, vous pouvez boire aussi. Bon, et ceci dit, merci d'écouter Vivacité à Bruxelles, bien sûr, avec Bruxelles le matin, dès demain. Bon réveil avec Julie Vanache qui sera là. Et puis, c'est la rentrée, hein, on le dit. Et pourquoi ne pas aller faire recouvrir vos cahiers scolaires au Westland Shopping d'Anderlecht. Et puis, les inscriptions pour le concours de chiens. Eh oui, durant la brocante du quartier Place Cascarbec, samedi 10 septembre, eh bien, il y aura le concours du chien le plus sympa. Ah, mais c'est chouette ça. Je trouve ça pas mal. On devrait y aller d'ailleurs. Mais bon, c'est dommage qu'après après ce concours, il y en aura un, mais l'année suivante. Elle vous parlera des années Gérard Lenormand. Les années 70 seront à l'honneur. Bref, de quoi bien vous réveiller dans Bruxelles matin entre 6h et 8h sur 99.3. Et puis, grand clin d'œil aussi à notre ami Marc Vernon, hein, qui anime aller-retour chaque jour entre 15 et 17h. Bah, c'est déjà fini, hein? À lundi prochain. Ça passe trop vite. Mais oui, avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end. I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't. Even though God knows you kept mine.